par Pelch, révélé par sa chanson bouleversante Yellow Shirt, et maintenant de retour avec un spectacle saisissant. Informations et achats au espace dcl.ca. Bonsoir tout le monde. Hey, bienvenue sur l'épisode 20 de votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80. En direct de la 3e avenue sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec. Anyway, on a vraiment une émission ce soir très rock. Alors, les chochottes, allez vous coucher. De toute façon, on a à soir francophone. Hey, on a autre chose. Puis on a quoi donc? On a DRI. Yes! T'oubliais ton portable? Ouais. Jean-Seb ici de l'émission qui nous précède. Jean-Sébastien Grondin de l'émission Ton oreille a soif. Ton oreille avait soif, on a écouté ça tantôt. Hey, ouais. Ça déménage. Ben, c'était notre cher ami national, enfin, international, c'était Velvet Underground tout à l'heure. J'espère que vous avez écouté Ton oreille à soif, parce que c'est de la bonne musique. Alors, pour les nouveaux venus, d'abord, bienvenue aux auditeurs. Re-bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, Lana. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue à cette émission l'épisode 20 de Genix et Climax 80. Et pour les nouveaux venus, enfin, ceux qui se joignent à nous ce soir, pour cet épisode 20, eh bien, il suffit de dire que, d'abord, c'est un feuilleton radio, d'après une œuvre originale et encore inédite. Genix et Climax 80, c'est le titre de ce fameux bouquin. Encore inédit, donc. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis, de minuit à 2h du matin. C'est donc une émission à caractère littéraire, vous l'aurez compris, et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80. Genix et Climax 80, qu'est-ce que t'en penses? On fait un synopsis? Yes. Hein? Oui. Tant qu'à faire. Oui. Au milieu des années 80, salut Jean-Seb. Salut. Jean-Seb était là, dans la vitrine, sur la 3e avenue. Il nous a salués et il est parti. Salut Jean-Seb. Merci pour ton œuvre sur 89.1. Ton oreille a soif. Une émission, eh bien, c'est une émission à écouter, parce que pourquoi changer quand ça marche? Et ça fait 20 ans que ton oreille a soif nous régale de toutes sortes de chansons, comme le truc de la semaine passée, là. Les amis du Pakistan. Ça, c'est trop excellent. On a passé la semaine là-dessus. Bon, écoute. Écoutez-le. Les amis du Pakistan. Écoutez ça. C'est excellent. Alors voilà, donc, synopsis. Au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Toi, Lana, ça te choque pas trop, les tribulations sentimentales et masturbatrices? Non, pourquoi? Ça fait partie de la vie, non? Ouais, ben bon. De chacun. Moi, je me disais toujours, en fait, est-ce qu'on doit l'empêcher? Est-ce qu'on doit faire mine de rien? Ou est-ce qu'on doit l'encourager? Bah, tu fermes une porte, l'autre, elle s'ouvre. Si tu sais ou pas. That's the question. Bon, enfin, bref. Enfin, bref. Disons que ce soir, il y a une chose qui va se passer. Une chose, malheureusement, qu'on dirait, qui pourrait être triste, mais qui, dans le fond, comme tu disais, fait partie de la vie. Et donc, le deuil de notre fantôme d'amour dure depuis combien de jours déjà? Plus que 2 mois. 2 mois? Le deuil, 42 jours. 42 jours. 42 jours de deuil, deuil pour notre fantôme d'amour. Ace Frehley, The Spaceman. Il part en sous-marin. Il nous quitte pour de bon. Ce soir. Vous écoutez CKRL Radio. Le 89.1. Québec. Torpedo Girl de Ace Frehley, notre spaceman qui nous quitte pour de bon ce soir. Comme d'habitude, depuis déjà la fin du mois de septembre, on va faire notre petit récapitulatif de la semaine sur cette excellente chanson Torpedo Girl de Ace Frehley, The Spaceman. Précédemment, sur Genix et Climax 80. Alors, voilà. On a pris notre temps. On a établi notre décor. Oh, on a flingué déjà deux épisodes avec notre prologue. Cette excellente parlotte, cette extraordinaire parlotte au sujet des années 80. Etc. Et donc, à partir de l'épisode, je crois, 4, 3 ou 4, on a présenté notre Genix. On a pu déjà essayer de voir ce qu'il animait. Et on a vu que il aimait bien vider le ballon d'eau chaude et jongler à toutes sortes de choses. Ensuite, dans les épisodes, à partir de l'épisode 7 ou 8, on a vu sa participation assidue au concert d'Iron Maiden Twisted Sisters, qui nous a permis cette digression, notre digression préférée, au sujet de Joe, la bouclée, l'accroche-cœur de Sainte-Foy, qui nous a évidemment montré la voie vers la bataille de Little Big Horn et cette ressemblance étrange entre Dee Snider et le colonel George Armstrong Custer, scalpé, drette sec par les Indiens Sioux. À cette fameuse bataille de Little Big Horn. Il l'avait bien cherché, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Enfin bon, on va pouvoir aller tout de suite, je crois. Et c'est là qu'on était rendu, c'est vrai. Parce que j'avais oublié de vous dire que depuis l'épisode 13, maman était partie. Et donc, on a pu, depuis l'épisode 13, aller suivre pas à pas la première nuit blanche de notre Genix. Cette fameuse grande virée noctambule dans le vieux Lévi. Le vieux Lévi Beach de 1985. Merci Alain Bois, pour ton excellente image. Vraiment, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Vraiment, c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Merci Alain. Alain, qui faisait partie d'ailleurs, à titre de témoin, de première main, de cette fameuse bande de derrière l'école. De cette époque, cette époque-là qui voyait l'apogée de cette société américaine et banlieusarde de notre belle province. Ce pays, cette terre promise pour nous, ce peuple jeune et encore plein de fougue, les Canadiens français. Et je me plais, moi, à dire, je me souviens de nos bonnes gens. Et à leur retour, bientôt, dans cette belle vallée du Saint-Laurent. Et donc, on va être prêt tout de suite à aller avec notre séquence 1. Et ça va être sur une excellente chanson, The Warning de Black Sabbath. Vous écoutez CKRL Radio en direct de la 3e Avenue à Québec. Le 89,1. Quand comptes-tu rentrer à la maison? Stan, je ne rentrerai plus à la maison. On en a déjà parlé. En tous les cas, pas pour l'instant, répondit-elle d'un ton inflexible, implacable, bien que dans sa voix se glissait subtilement une certaine bienveillance ou tendresse, sans doute à cause du chagrin dont elle me voyait affligée. Tu le sais bien, je te l'ai déjà dit ce matin. Essaie de comprendre. J'ai besoin de prendre quelques temps. Quelques temps de réflexion personnelle. C'est là, les amis, que je me suis battu, comme jamais, pour notre famille, pour notre foyer, pour mon bout de gras à moi. Jacob et l'ange, ils n'auraient pas lutté autant. Moi, j'ai lutté, j'ai refusé d'accepter. Je me battrai jusqu'au bout sur la barricade ou sur un tas de fumier s'il le fallait. Je continuerai de me battre et de me battre et de me battre. Pour qu'elle revienne chez nous. Chez nous, comme avant. Seulement, voilà, ma mère, elle était beaucoup plus forte que moi. Elle avait l'âme bien trempée, maman. Elle était invincible à ce moment-là. De plus, elle était résolue et déterminée à faire dorénavant exactement comme elle l'entendait. Tout ce qu'elle avait, enfin, tout ce qu'elle pouvait donner, elle l'avait donné. Sans rechigner. Et elle s'était très souvent oubliée elle-même pour qu'on soit heureux, nous tous. Et depuis 14 ans déjà. Ah, maman. Maman. Elle avait été, effectivement, une mère aimante. Une épouse fidèle. Mais à présent, elle voulait vivre un bout de sa vie en prenant ses propres décisions. Pourtant, je n'arrivais pas du tout à comprendre cette foutue décision. Elle n'avait donc plus d'amour pour nous? Qu'allait devenir notre famille et nos vies sans elle? Quoi? En avait-elle si marre de nous pour nous quitter comme ça, sans un mot? Était-ce d'être loin de nous qui la rendait si heureuse et si belle à la fin? Je disais ça sans me rendre compte tout à fait que de gros paquets de larmes abondantes et amères roulaient sur mes joues encore froides de l'air vif et piquant du soir d'automne, presque déjà tombé. C'est à ce moment qu'elle s'est mise, tant bien que mal, avec une sorte de tendresse, juste un peu bourru et quelque peu embêté par mon attitude obstinée, à venir essuyer doucement mes larmes de sa belle main solide aux formes si gracieuses. L'or fauve ornementait certains de ses doigts. Habile aux caresses, au tricot, à la peinture, oh. ou même, peut-être, sans doute, simplement, à une bonne paire de claques. Si cela devait s'avérer nécessaire. Maman, oh maman, comme j'étais fier d'avoir été ce fruit défendu, ce changement de plan, cette intimité parfaite, ce soleil invaincu. On écoutait Black Sabbath, The Warning, sur CKRL Radio, le 89,1, en direct de Québec City. On va à la pub et on se retrouve tout de suite après sur CKRL Radio. CKRL 89,1. À la recherche d'une sortie culturelle? Envie de découverte en famille, en amoureux ou entre amis? Découvrez l'offre culturelle de votre région en un seul clic. Visitez ose.media et laissez-vous inspirer pour votre prochaine sortie. Du théâtre à la danse, en passant par la musique et les arts visuels, ose.media est votre porte d'entrée vers la culture d'ici. Découvrez, vibrez, osez! Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Salut, c'est la bottine souriante. Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Les Rouges au 1-866-DESJARDINS. Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles. Si vous voulez partir, Les Rouges vous ramène à la porte. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. L'Anglicane présente deux soirées inoubliables. Le samedi 29 novembre, vivez l'univers moderne et authentique de Pascal Picard à l'apogée de son art. Puis le jeudi 4 décembre, laissez-vous émouvoir par Pelch, révélé par sa chanson bouleversante Yellow Shirt, et maintenant de retour avec un spectacle saisissant. Information et achat au espace dcl.ca. Participez à la campagne de financement d'Épilepsie Section Québec en vous procurant un produit de qualité à prix abordable. On a besoin de vous. Contribuez à notre mission essentielle auprès des personnes épileptiques et leurs proches. Passez à l'action maintenant. Rendez-vous sur la page Facebook d'Épilepsie Section Québec pour tous les détails et ensemble, brisons l'isolement. Faites vite! La campagne se termine le 30 novembre. Salut, ici Orage Jean. Je suis auteure, compositrice, interprète et lévisienne et je vous invite au lancement de mon deuxième album live Places. Je m'en veux me rassasier du vent. Places, ce sont des chants de liberté que j'ai si hâte de vous offrir. Ça se passe le 12 décembre au Bureau des artistes du littoral à Lévis. On se voit là-bas! De retour avec votre émission, votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80, dans toute la francophonie. Allons-y, d'ailleurs, avec la suite titre séquence 1, à la page 161. Seulement, voilà que mes larmes s'accumulaient et venaient beaucoup trop. L'urgence de ma détresse m'investissait entièrement, bien trop pour que maman ne réussisse à colmater la brèche qui s'ouvrait soudainement dans nos vies par son cruel décret. Et maintenant, l'obscurité qui envahissait rapidement la chambre, de même que les rires en conserve de la télé qui, maintenant, hurlait de l'autre côté de la cloison, j'ai pu tout à coup voir ses yeux devenir encore plus brillants et s'emplir soudainement d'eau, eux aussi. Cette eau dans laquelle je me voyais comme dans un miroir, couler à pic dans un lac que je croyais sans fond, aux abysses obscurs et froids comme la mort. À coup sûr, je pensais me noyer. C'est là qu'elle s'est rapprochée de moi et que j'ai senti mon cœur exploser comme une mine. Là, tout au fond de ma poitrine, elle m'a pris dans ses bras, doucement, pour me bercer comme elle m'a bercé dans son sein et ainsi de suite. Doucement, afin de laisser passer ce gros chagrin, tout secoué de soubresauts et violent comme l'orage. C'est comme ça qu'on est resté, à bercer en silence, sur un coin du lit, dans la pénombre du soir, déjà tombé pour de bon. Oh, j'avais sangloté encore un bon coup, pour un bon moment. Le goût amer de mes larmes de ce soir-là est venu altérer pour moi la saveur de toute chose pour le restant de mes jours. Non, rien n'aurait plus jamais le même goût dorénavant. D'ailleurs, à l'heure qu'il est aujourd'hui, je crois bien qu'une partie de moi est restée là-bas pour toujours, à bercer doucement sur le coin du lit, dans la pénombre du soir d'octobre 85. C'était Corey Hart, Never Surrender. C'était une chanson qui date de 1985. Hey, il commence à neiger, là. Il est minuit 35 et la police passe pour nous protéger. Devant, il y a des amis qui sont à la rue Ruelle, je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est au 410 de la troisième rue. On vous salue, les amis. Vous sauvez l'honneur de la troisième rue. Parce que vous êtes déjà 5 amis à manifester votre présence. Et déjà, manifester une présence, c'est déjà beaucoup. C'est peut-être même le début de l'exutoire pour certaines personnes. Qui sait? Déjà, un sixième larron est venu pour cette petite foire et un septième se précipite avec son portable pour manifester quelque chose. C'est ici, les amis, en direct, à Québec, au 410. Salut, les gars, les filles. Vous faites bien de faire quelque chose. Vous faites bien, déjà, je suis sûr. Ben, déjà, on manifeste, hein, on se voit, alors on se salue. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Moi, je me souviens quand j'étais petit et que je marchais de l'école à chez nous. Eh bien, quand je rencontrais une madame que je connais pas, moi, on m'avait enseigné à la saluer. Si elle nous regardait, je me souviens, maman nous avait dit, si la madame te regarde, tu lui dis bonjour ou bonsoir. Bon matin? Non, bon matin, c'est pas en français. Les amis, bon matin, ça veut dire good morning. Good morning! Good morning! Guten Morgen! Yeah? Bon matin, les amis, c'est pas du français. Bon matin, c'est good morning. Nous, en français, on dit bonjour. Voilà, c'est tout. C'était ma montée de lait pour aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé durant mon absence. J'étais parti en Europe et à un moment donné, je suis revenu. Au début, on disait, quand on rencontrait quelqu'un, « Toi, qu'est-ce que t'en penses, Lana? T'as appris le français, non? » Enfin. J'essaie. D'habitude, c'est quoi en français « Doberdan »? Bonjour. C'est bonjour, non? Bon matin, ça se dit quoi? Dobryutro. Dobryutro. Bon, c'est Guten Morgen, non? Ja, Guten Morgen, liebe Sorge. Guten Morgen, Heil Hitler, ja? Non, excusez, c'est pas ça. C'est Good Morning, Vietnam. Mais, bon, c'est pas ça non plus. Lana, elle me fait, oui, oui, pas tout à fait. Enfin, bon, je me trompe toujours. Je me mets toujours le pied dans la bouche, je sais pas pourquoi. Enfin, allons-y donc. Tu aimes sucer la pouce, c'est quoi? Sucer mon pouce? Non, moi, je sais pas mon pouce, je sais mon majeur et mon auriculaire en même temps, simultanément. C'est ce que je faisais. Je sais pas. S'il y a des gens qui aimaient sucer leur majeur et leur auriculaire en même temps et que vous faites partie de ces exceptions, eh bien, vous pouvez nous téléphoner pour nous le dire. Au 88-640-1586. Appelez-nous, les amis. N'hésitez pas à nous le dire. Enfin, si vous faites partie de ces exceptions. Ou peut-être si vous êtes même partie de ces gens exceptionnels qui sont en train de... Je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils déménagent ou quoi. Mais en tout cas, ils sont là. Et nous, on adore les voir manifester leur présence. Et c'est juste ce qu'on attend, nous, ici. C'est juste ce qu'on essaie de faire. Sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec. Qu'on est resté à bercer en silence sur un coin du lit dans la pénombre du soir déjà tombé pour de bon. Oh, j'avais sangloté encore un bon coup pour un bon moment. Le goût amer de mes larmes ce soir-là est venu altérer pour moi la saveur de toute chose pour le restant de mes jours. Non, rien n'aurait plus jamais le même goût dorénavant. D'ailleurs, à l'heure qu'il est aujourd'hui, je crois bien qu'une partie de moi est restée là-bas pour toujours, à bercer doucement sur le coin du lit. Dans la pénombre du soir d'octobre 1985. Vous écoutez Frank Stallone et Cynthia Rhodes, Never Gonna Give You Up, sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec City. Frank Stallone et Cynthia Rhodes. Never gonna give you up. Et donc, on est arrivé déjà à la 20e rencontre de cette émission, votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80. Sur CKRL Radio, le 89,1, en direct de la 3e avenue à Québec. Et Lana va nous dire, sans doute, peut-être, qu'elle a du mal à croire qu'on soit arrivé déjà à la 20e épisode, non? C'est fou, non? C'est magnifique. Bien sûr. Et c'est difficile de croire qu'on arrive déjà. On est après le pivot de l'histoire. Toi, tu la connais. Tu sais que quand même, on a dépassé une certaine ligne rouge. Oui. Oui. Et oui. Bien sûr. Fuck! C'est là qu'on arrive au truc, presque, enfin. Bon, déjà, on est arrivé à faire fondre la neige. Parce que, vous vous souvenez, la semaine dernière, on l'avait dit, on l'avait annoncé. Pas vrai? Oui. dans l'épisode 19. Vous pouvez regarder l'épisode 19 en différé. C'est Bingo, Balado, épisode 19. Genix et Climax 80. Aïe, c'est facile. Vous faites Google, Genix et Climax 80, Bingo, Balado, paf, 19. Voilà. C'est tout. Alors, allons-y gaiement pour une excellente chanson de cette époque qui va nous rappeler des putains de souvenirs de l'époque où il y avait un chauffeur qui sniffait notre ligne de vie. Et c'est Daniel Lavoie qui chante cette excellente chanson. Tension, attention, sur CKRL, le 89,1 à Québec. Yeah! Daniel Lavoie, tension, attention. Hey, nous autres, Daniel Lavoie chez nous, c'était quand même particulier parce que Daniel Lavoie, il y a quand même une forte ressemblance avec mon papa, mon père. On le salue s'il nous écoute. Et mon père, chaque fois qu'il passait sur Michel Jasmin, mon père, ça le faisait chier. Et mais moi je l'aimais bien Daniel Lavoie. Mais c'est souvent la chose que quand les gens ils nous comparent tout le temps avec quelqu'un à certains moments ça nous plaît, mais après je sais pas. Ben oui. J'ai connu la personne. Mais moi je trouvais que c'était une belle comparaison parce que Daniel Lavoie quand même c'est pas tu le rencontres pas à tous les deux coins de rue. Puis c'est vrai qu'il ressemblait à mon père. Puis il y avait il y a une petite fossette au coin, au milieu du... Ben, mon père aussi. Fait que... Bye-bye, Daniel. Ouais. En tout cas, On dédie cette émission à mon père, qui est dans Bellechasse. On dédie aussi cette émission aux gens de Bellechasse et de la Rive-Sud. Parce que moi aussi, je suis de la Rive-Sud. D'ailleurs, j'envoie un petit coup d'œil, un petit clin d'œil particulier à tous les gens de Saint-David Beach, hein? Saint-David de l'Aube-Rivière, et à tous les joueurs du Black Machine de Saint-David Beach. OK. Fait que la prochaine chanson, ça va vous être dédié, les amis. Mais d'abord, on va aller à notre séquence 2, à la page 163. Et... Excusez, je me trompe là. C'est pas la séquence 2, ce que je raconte. Qu'est-ce que je raconte? Dis-moi, Lana, qu'est-ce que je raconte? C'est ton show, tu choisis. Ouais, c'est mon show, mais là, je m'en allais dans le champ. Dans le champ du show. C'est la séquence 3, plutôt. Et c'est à la page 163. Le numéro sexy. Et ça s'appelle Mon cousin Ricky. On y va avec la séquence 3 à la page 163. Tout bien considéré, comme je le disais plus haut, ce départ, aussi inattendu que ruineux pour ma famille et pour mon âme d'enfant, n'avait en rien entravé toutes mes prétentions musicales. Bien au contraire. Maman m'avait toujours encouragé. J'avais eu ma première guitare vers 7 ou 8 ans, ma première électrique vers 10 ou 11 ans. Dommage que je ne sois resté qu'un guitariste rythmique plutôt moyen. Mais c'est tout de même avec cette première guitare électrique que j'ai pu faire mes premières armes dans la compo de genre. Encore que je ne sache plus très bien si on pourrait classer ça dans les riffs métal à la Venom ou bien dans le néo-punk de type DRI. DRI, ce sera pour tout à l'heure. C'est plutôt à notre cher Marjo. Oui. Avec son groupe Corbeau. Yes, on lâche pas. Et ils ont commencé l'année que je suis né. Ah oui? Yeah. Déjà? Quelle année? 1973. Oh yeah. Ah bon, je pensais que c'était plus c'est récent. C'est mon hymne. On écoute. Je lâche pas. Je lâche pas. Et on reviendra avec la séquence tout à l'heure. Je lâche pas. Le Corbeau sur CKRL Radio, le 89.1, en direct de Québec City. Change pas, j'attends pas de crever. Change pas, moi je sais où je m'en vais. Change pas, j'attends pas de crever. Je savais plus où je m'en allais. Je sais plus où je m'en vais. Hostie, je suis comme Marjo. Anyway, on lâche pas. On y va, les gars. Yes! Pas, moi je sais où je m'en vais. C'était « Je lâche pas » de Corbeau et c'était dédié à Mohamed, notre excellent taxi qui nous a trimballé jusqu'ici. Et on va aller à une courte pause publicitaire et on vous revient tout de suite après sur Genix et Climax 80 au CKRL Radio, le 89,1 à Québec. C'est Christian Lapointe. Je voulais vous inviter à venir voir Use et Abuse au Théâtre Périscope du 9 au 13 décembre. Avec Alex Dufresne, on s'inspire d'une conférence du philosophe Alain Deneau pour exposer comment le capitalisme use et abuse de l'art et garde les artistes sous pression. On vous propose une performance drôle, imprévisible, où tout peut arriver. Le corps, la parole et même l'économie de marché deviennent matière à création. Use et Abuse, une expérience qui va vous bousculer, vous faire réfléchir, pour un public de 18 ans et plus. Salut, ici Aura Jean. Je suis auteure, compositrice, interprète et lévisienne, et je vous invite au lancement de mon deuxième album live, Places. Places, ce sont des chants de liberté que j'ai si hâte de vous offrir. Ça se passe le 12 décembre au Bureau des artistes du littoral à Lévis. On se voit là-bas! Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. La Marotte locale vous invite à son marché en fête les 29 et 30 novembre de 10h à 17h au Centre du Rocher dans Saint-Sauveur. Venez découvrir une trentaine d'artisans locaux. Bijoux, décorations, gourmandises et idées cadeaux uniques vous attendent dans une ambiance chaleureuse et festive. Entrée gratuite, activités créatives en libre service pour tous les âges et boissons chaudes offertes aux premiers visiteurs. Mon beau sapin, trois rendez-vous magiques à l'Anglicane. Dimanche 7 décembre, plongez dans les racines historiques de Noël avec l'ensemble Ménestrel et ses chants et danses folkloriques du monde entier. Jeudi 11 décembre, vibrez au son des plus belles mélodies avec Marie-Michèle Desrosiers et un piano pour Noël, accompagné de 9 musiciens. Vendredi 19 décembre, laissez-vous emporter par l'univers enchanteur de Maryse Le Tartre, l'icône des fêtes. L'Anglicane, là où la magie des fêtes prend vie. Réservez vos places dès maintenant sur espacedcl.ca. Merry little Christmas. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. De retour sur votre émission Le feuilleton radio, Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Et donc, on va y aller avec notre séquence numéro 4. Et non, c'est plutôt la séquence numéro 3. Excusez. C'est la séquence, justement, qu'on a squeezée tout à l'heure avec la pub. On s'est un peu trompé, on va dire. On s'est gouré, comme on dirait. Et on va y aller tout de suite à la page 163. Tout bien considéré, comme je le disais plus haut, ce départ aussi inattendu que ruineux pour ma famille et pour mon âme d'enfant n'avait en rien entravé toutes mes prétentions musicales. Bien au contraire, maman m'avait toujours encouragé. J'avais eu ma première guitare vers 7 ou 8 ans, ma première électrique vers 10 ou 11 ans. Dommage que je ne sois resté qu'un guitariste rythmique plutôt moyen. Mais c'est tout de même avec cette première guitare électrique que j'ai pu faire mes premières armes dans la compo de genre. Encore que je ne sache plus très bien si on pouvait classer ça dans les riffs metal à la Venom ou bien dans le néo-punk de type DRI. Le morceau n'avait pas vraiment de titre et pas beaucoup de paroles non plus. DRI, I Don't Need Society, sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. J'en savais assez. Le morceau n'avait pas vraiment de titre et pas beaucoup de paroles non plus, puisque je n'arrivais pas encore tout à fait à jouer de la guitare et à chanter en même temps. Ricky, mon cousin, assurait la percussion avec son gréement de fortune, une batterie fabriquée avec des pattes de répétition, des bouts de ficelle, du scotch et une caisse claire légèrement défoncée. On répétait ensemble très souvent après l'école, durant pratiquement tout le début de cette rentrée scolaire, celle de 85. Justement dans les semaines qui avaient précédé ce long week-end fatidique d'octobre, qui fut certainement le point d'orgue de ma vie d'enfant. Le Big Bang, la naissance métaphysique du Genix, le super ado, que j'étais très concrètement en train de devenir au cours de ce printemps-été suivant, celui de la Coupe Stanley à Montréal. Venom, live du Odéon, Hammersmith, 1984. Vous écoutez CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Venom! Au 89.1 en direct de la 3e avenue à Québec. Mon cousin Ricky, le même que pour le show de Kiss de mes 9 ans, c'était le fils de mon oncle JP, le frère de mon père. Il avait toujours été quelque peu en avance sur moi, de 3 ans mon aîné. Je lui devais les deux seuls accords de guitare que je savais, mi et la. Et ce, sans qu'il en connaisse beaucoup plus que moi. C'était Leave Me in Hell. Yeah, Leave Me in Hell, du groupe Venom. Il est 1h09 sur CKRL Radio. Le 89.1. À Québec. Bon, OK. On dédie le prochain bloc à notre amie Natacha. Salut, Natacha. Natacha Bujou, on te dédie le prochain bloc. Et on va aller déjà à la séquence 4, à la page 164. Et ça s'intitule Conforté. J'en savais assez pour jouer. En revanche, les power chords sur lesquels reposait entièrement notre compo, je les avais appris tout seul, par mimétisme, en regardant les vidéos de Venom et de Motorhead à la télé. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. J'en savais assez pour jouer. J'avais capté ça assez rapidement, dès que je m'y étais un peu intéressé. C'était comme pour le badminton ou le mini-golf. Comme pour crier « Bingo !» et empocher 1000 dollars au milieu d'une salle paroissiale, bondée de têtes blanches, enfin, blanchies par les ans, à courir après les sous. Idem pour fabriquer des bons hommes en pâte à modeler. J'avais un talent naturel pour ça. Overkill! Motorhead. Sur CKRL Radio, la nuit, à Québec. C'était dédié à notre ami, notre cher camarade, notre frère d'armes, Zap. Salut Zap. Aïe, cette semaine, en fin de semaine, on se parle, on se voit, On mange un bout. On check. Alors, allons-y tout de suite à cette fameuse séquence 4, confortée. Hey, on est en retard, les amis. Il est 1h15. Et il fait au-dessus de zéro sur Québec City. On va être obligé déjà de présenter notre histoire. Enfin, pour les nouveaux venus. Parce que il y a toujours des nouveaux venus sur Genix et Climax 80. Il suffit de savoir que c'est d'abord un feuilleton radio d'après une œuvre originale et inédite. Genix et Climax 80, c'est le titre de ce fameux bouquin. Encore inédit, pas pour longtemps. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis, de minuit à 2h du matin. C'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique. D'ailleurs, Lucien, salut Lucien, je sais que tu penses à nous. Nancy, je sais qu'elle est avec toi et que vous en donnez un cœur joie là-bas, d'où vous nous regardez. Et je sais que t'es d'accord à 110% pour présenter ce feuilleton radio qui, de toute façon, si on faisait le synopsis, nous dirait que, enfin, le Genix, au milieu des années 80 dans la ville de Québec, t'es rien qu'un bulldozer. Trimballe ses tribulations sentimentales et masturbatrices de jeune homme adolescent de 15 ans qui, bien, suite au divorce de ses parents, à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et dans la semi-délinquance. C'est une fille comme dans les clubs des Rolling Stones. Vous écoutez CKRL Radio, le 89,1, à Québec. Salut, Lucien. Je sais que tu nous proposes autre chose. Et nous autres aussi, on est d'accord. À 115% avec toi. Puis Nancy. Nancy Beaudoin. Je sais qu'elle pousse sa loque, mais laisse-la faire. Laisse-la pousser sa loque. C'est ton bébé. Vas-y. Sois un grand garçon. Donne l'exemple. Vas-y, Lucien. Pousse ta loque. Écoute. Écoute, ceci, chérie. Mick Jagger, il a pas dit que t'étais la reine de l'underground. Mick Jagger, il a dit que tu te prenais pour la reine de l'underground. Ça fait que les cadenas que t'as mis sur mon bicycle, là. Enlève-les pis fais vite. Moi, les cadenas sur mon bicycle, j'en veux pas. Claire la place, je veux plus toi la face. Pousse pas ta loque, ok, bébé? T'es pas mangé pour jouer au bras avec moi. La face avant que je te clenche. Hey, ça, là, c'est de la violence conjugale. Qu'est-ce que t'en penses, Lana? Non, t'es trop pour moi, ça, je peux pas, c'est impossible. Quoi? Si tu le dis. Ben, moi, d'après moi, oui. Écoute ce qu'il raconte, là. C'est un peu de la violence conjugale, non? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Non! Non? Quoi? Ben, je sais pas. Non, c'est vrai. Moi, je pense que je les laisserai aller. Ils sont pas rendus là. C'est mieux prendre par la gorge. Les prendre par la gorge? Les deux? Mais non, mais là, on va être obligé d'aller là en force, là. On va là à combien de police, là? OK. De retour. Votre émission, votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80, sur CKRL Radio, le 89,1, à Québec. Tu veux une chanson? Ouais, je pense, mais j'ai oublié de dire aux gens... qu'il pouvait appeler. Il est 1h20. Il nous reste encore du temps. On est loadé, j'avoue. C'est vrai. 640. Ça sonne depuis tout à l'heure et on répond pas, mais c'est parce qu'on est loadé aussi. Mais continuez d'appeler les amis. N'hésitez pas à appeler. C'est quoi le numéro? 640-1586. C'est ça. Sera 88. C'est dans le code 88, ouais. Maintenant, ils ont compliqué les choses. Ça prend. Bientôt, ça va prendre un. 3 ans de séminaire pour avoir un numéro de téléphone. 88-640-1586, les amis. Appelez. N'hésitez pas. Appelez dès maintenant. And talk about love. Van Halen. Au milieu d'une salle paroissiale bondée de têtes blanchies par les ans à courir après les sous. Idem pour fabriquer des bons hommes en pâte à modeler. J'avais un talent naturel pour ça. Puis, c'est bon? Hot. Ouais. C'est... It's sick or it's hot. C'est sickly hot. It's fucking sick! Ain't Talk About Love du groupe Van Halen. C'est un extrait de leur premier album, le meilleur selon moi. Il est 1h24 sur Québec City. On est au-dessus de zéro pour le thermomètre, alors ça va bien les amis. On va pouvoir aller à une courte pause publicitaire et pour vous revenir tout de suite après sur Genix et Climax 80, en direct de la 3e Avenue à Québec. CKRL. Tous les mercredis, dès 11h30, CKRL présente en collaboration avec l'AQDR Section Québec l'émission Aîné, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme sans but lucratif qui veille depuis 35 ans à la défense individuelle et collective des droits des personnes aînées. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Salut, c'est Christian Lapointe. Je voulais vous inviter à venir voir Use et Abuse au Théâtre Périscope du 9 au 13 décembre. Avec Alex Dufresne, on s'inspire d'une conférence du philosophe Alain Deneau pour exposer comment le capitalisme use et abuse de l'art et garde les artistes sous pression. On vous propose une performance drôle, imprévisible, où tout peut arriver. Le corps, la parole et même l'économie de marché deviennent matière à création. Use et abuse, une expérience qui va vous bousculer ou vous faire réfléchir pour un public de 18 ans et plus. La Marotte locale vous invite à son marché en fête les 29 et 30 novembre de 10h à 17h au Centre du Rocher dans Saint-Sauveur. Venez découvrir une trentaine d'artisans locaux. Bijoux, décorations, gourmandises et idées cadeaux uniques vous attendent dans une ambiance chaleureuse et festive. Entrée gratuite, activités créatives en libre service pour tous les âges et boissons chaudes offertes aux premiers visiteurs. Et si ce Noël, vous offriez plus qu'un soin de beauté? À la Clinique Equinox, on réinvente la médecine esthétique en douceur avec des soins hautement humains, alliant technologie, bien-être et résultats naturels. Que ce soit pour un facial, un soin du corps ou un moment de détente, nos cartes cadeaux sont offertes avec jusqu'à 25 % de remise tout le mois de décembre. Equinox, l'équilibre entre beauté et bien-être. À Le Bourgneuf et à Beauport, cliniqueequinox.ca. L'Anglicane présente deux soirées inoubliables. Le samedi 29 novembre, vivez l'univers moderne et authentique de Pascal Picard à l'apogée de son art. OK, the next one will be Holy Diver. Et le jeudi 4 décembre, laissez-vous émouvoir par Pelch, révélé par sa chanson bouleversante Yellow Shirt. Non. De retour fight fire avec with un fire. Spectacle saisissant. Informations et achats au espace dcl.ca. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. De retour à votre émission feuilleton radio préféré dans toute la francophonie, Genix et Climax 80, en direct de la ville de Québec, sur les ondes de CKRL Radio. Je peux le dire? Vas-y. Délie-moi la loup. Délie-moi loup, voilà. On est en direct de la 3e avenue. À Limoilou, c'est un quartier de la ville de Québec, Limoilalou. C'est à Québec. C'était juste en face de Levy Beach. On dédie cette émission à tout notre public, tous les auditeurs, nos amis de la rive sud, le South Side. Séquence 4. Page 164. Ça s'appelle conforter. Mon cousin m'avait également conforté dans mon intérêt pour les Iron Maiden, Black Sabbath et plus récemment pour Metallica. Leur deuxième album, Ride the Lightning, était sorti dans l'été. Ça annonçait la couleur dès le premier morceau, Fight Fire with Fire. Ce morceau rompait totalement avec le heavy metal classique, comme Maiden ou Judas. Avec Metallica maintenant, on était vraiment dans autre chose. On écoute Metallica, Fight Fire with Fire, extrait de Ride the Lightning, leur deuxième album. Sur CKRL Radio, le 89,1, à Québec. We'll be right back. Il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas assez de métal sur Genix et Climax 80. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout arrive en temps juste. Exactement. Comme disait notre cher ami du New Brunswick, Morgan Thaler, tout vient à point ou à poil ou sans poil. À qui c'est attendre? Morgan Thaler, les amis. J'invite les auditeurs à googler Morgan Thaler pour savoir de qui on parle ici. Hostie. De Metallica. On écoutait ça sur CKRL Radio, le 89,1. En direct de la 3e avenue à Québec. Allons-y tout de suite avec la suite de notre séquence. Ricky m'avait aussi initié à Dio l'année d'avant. L'année où j'avais terminé dans les cellules de la police de Lévis pour la fête du Nouvel An. On s'était passé Holy Diver en boucle toute la soirée du 31 décembre, enfermé dans sa chambre en plein party du Nouvel An. Chez ses parents, ma tante Rita et mon oncle JP. Oh, je les adorais, ces deux-là. Chaque fois qu'on allait les visiter, mon oncle JP et ma tante Rita, on n'avait pas encore retiré nos manteaux dans l'entrée que Ricky m'invitait déjà d'un air convenu dans sa chambre, tout au fond du couloir de leur bungalow. Il fermait la porte au nez de Martine, sa petite sœur. Je trouvais cela dommage. Je l'aimais bien, moi, ma cousine, Martine. Elle n'était que d'un an plus âgée que moi. Mais Ricky, lui, il préférait qu'on reste entre mecs. On écoutait ses nouveaux disques, puis il me montrait ses dernières trouvailles adolescentes, ainsi que tous ses modes d'emploi les plus risqués. Il me racontait les derniers potins du rock, sa prestation exceptionnelle lors de mon premier concert de rock, le fameux show de Kiss derrière la maison de chez Tigui Lacombe. C'était bien devenu pour moi la moindre de ses aventures, la plus petite de ses qualités innombrables. Mon cœur l'élisait sans conteste en tant que ce grand frère que je n'avais jamais eu. Je pensais qu'à coup sûr, il était la meilleure personne pour me mettre ponctuellement au parfum de ce qui était branché, de même que de tout ce qui ne l'était pas. On écoutait Holy Diver de Ronnie James Dio. Et on enchaîne ça tout de suite avec The Go-Go's. Our lips are sealed. Sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec. The Go-Go's avec la belle Belinda Carlisle. Assoir. On se pomme au 89.1 en direct de Québec. Ah, oubliez pas que vous pouvez nous appeler, les amis, pour nous dire, nous raconter, enfin, nous donner de vos nouvelles au 640-1586 dans le code 418. Appelez-nous, les amis, n'hésitez pas. On a écouté Our Lips Are Sealed du groupe féminin The Go-Go's avec la belle Belinda Carlisle. On va aller avec une excellente chanson et ça va constituer le point culminant de cet épisode 20 de Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Mais ici, pour cette suggestion d'exutoire, on a décidé quand même de prendre un roast beef pour chanter sur notre séquence. Mais pas n'importe quel roast beef, les amis. C'est celui qui nous chante Since I've Been Loving You. Séquence 8. Ça s'intitule Influence et c'est à la page 165. Cousin Ricky, il avait donc une énorme influence sur moi pour tout ce qui était relatif à la musique, au rock and roll, ainsi qu'à tout ce qu'il fallait savoir sur cette jeune fille de la polyvalente. Il aimait bien raconter des blagues salaces, misogynes, homophobes, racistes. Il en avait un répertoire inépuisable. Il me faisait pleurer de rire à parler des mecs les plus ringards de sa classe. Ou alors de tous ces enfoirés baiseurs de poules mortes. Tous les vendredis, il faisait la queue pour faire chou blanc dans les soirées disco. Avec leur polo Lacoste aux coloris parfaitement ridicules. De vrais petits PD. Il disait aussi que ces trous du cul chiaient mou une semaine sur deux. Ah oui. Ah, c'était toujours le meilleur gars du monde, mon bon cousin Ricky. Le plus marrant des larrons en foire. Le plus hilarant, des bouts en train. Pour se foutre d'un handicapé mental, par exemple, ou simplement de tous les déglingués de la vie en général, qui se plaisaient à croiser notre chemin au quotidien, comme aujourd'hui d'ailleurs. Toute une bande de tartofions. Ils ne savent même pas s'y prendre pour faire un putain de changement d'huile. Imaginez pour ploter une fille au cinoche. Tout ça simplement parce que ces tarés ne connaissent rien au rock'n'roll. J'ai pas raison, cousin. Moi, j'acquiesçais béatement. Enfin, j'acquiesçais bêtement, quoi. Loving You, c'était Led Zeppelin qui nous parlait de cet état de fait. Depuis que je t'aimais, il nous en a mis deux couches. Et voilà, ça nous a amené là où on est maintenant. L'ensemble de tous nos choix, de toutes les portes qu'on a ouvertes ou fermées, nous amène ici, maintenant, sur Genix et Climax 80, à 1h49, en direct de Québec City. Et ça nous donne aussi notre dernière séquence. Et on va clore avec ça, les amis. Et ça va être sur une excellente chanson de notre compatriote canadien, Brian Adams. Heavens sur CKRL Radio. Il est 1h50, les amis, et on vous souhaite une bonne nuit sur le 89.1 à Québec. Over now, you keep me coming back for more. aussi étais-je tout oui quand il m'a parlé de son projet d'audition prochaine en tant que chanteur pour ce groupe de Québec qui répétait sur la rive sud, enfin non, sur la rue des Sables, à Limoilou, les Headbreakers. C'était un groupe de reprise métal qui, selon ses dires, s'apprêtait à se lancer à l'assaut des bars rock du Québec. Je m'étais tout de même permis de trouver un peu étrange qu'il veuille soudainement être chanteur, puisqu'il se donnait tant de mal pour être successivement guitariste et batteur. Il faisait des pieds et des mains depuis des mois pour réussir à bricoler des solutions, juste en attendant d'arriver éventuellement à pouvoir se payer une vraie batterie, ne serait-ce que d'occasion. Mais celle-ci aurait eu de vraies cymbales cette fois. Vous voyez ? Or donc, pendant toute une longue matinée, à sécher les cours et à traîner ensemble dans les couloirs déserts de l'institution, bien sûr en évitant soigneusement de tomber sur Jeff, qui m'avait toujours dans son collimateur, Ricky m'avait rempli tout un trou dans mon horaire de cours de l'avant-midi, avec un topo de long en large sur toute cette histoire d'audition. Je trouvais qu'il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Ça devait sûrement être l'une de ces expériences du genre de celle qui, à tout moment, le faisait démonter toutes sortes de machins, juste histoire de voir comment cela fonctionnait, quoi. Enfin, pour remonter le truc correctement, par contre, alors là, on pouvait toujours se brosser. Il était super rare de retrouver un truc qui fonctionne encore suite à son intervention. C'est tout ce qu'on a pour vous ce soir, les amis. Désolé, on était un peu à la bourre. Il nous restait encore un peu de texte. On va essayer de se reprendre la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses, Tana? Bien sûr. Oui. On a manqué de temps. Comme toujours, je t'avais dit. Ben oui, je sais, je sais. Faudrait peut-être rallonger le truc. Peut-être. On va voir. Pourquoi pas? En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Ben oui. Bonne nuit, tout le monde, les auditeurs. Merci pour cet épisode 20. De Genix et Climax 80. Votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Ah, n'oubliez pas, les amis, que vous pouvez regarder, enfin, écouter en différé l'émission Genix et Climax 80. Il vous suffit de faire Google Genix et Climax 80. Pouf! Bingo! Balado! Bingo Balado Quartier. Quartier de Lune? Ben, je sais pas, la semaine dernière, on était... Ah oui, c'est... C'est plate. On était là et... Bon, il y avait personne, quoi. Mais bon. Ouais, c'était fermé. Oui, c'était fermé. Mais je sais qu'il va y avoir un film là, prochainement qui vont tourner. Là. Ça a peut-être un lien. Bientôt. En tout cas, les amis, on vous souhaite une excellente nuit. Merci d'avoir été là pour ce 20e épisode de Gen X et Climax 80. On vous revient la semaine prochaine. Restez des nôtres. N'oubliez pas, parlez-en à vos amis. Google, Gen X et Climax 80, Bingo Balado. Voilà. Écoutez-le en différé, les amis. L'excellent épisode 19. Bonne nuit, tout le monde. Pas de puce. Pas de puce. Pas de punaise. Bonne nuit. Bon rêve. Bonne nuit. Pas de puce. Pas de punaise. Salut, les amis. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. CKRL. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Cette année, offrez des cadeaux de Noël qui ont du sens. Participez à la campagne de financement d'Épilepsie Section Québec en vous procurant un produit de qualité à prix abordable. Chaque vente soutient directement notre mission. Rendez-vous sur la page Facebook d'Épilepsie Section Québec pour tous les détails et ensemble, brisons l'isolement. Faites vite, la campagne se termine le 30 novembre. Un livre audio de la Guignolée des médias, lu par Anne Dorval. Chapitre 1. Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Fin. La fin est si vite arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. Raif Badawi. Enchaîné. De Magaï Mathiop. Enchaîné. De Bernardo Calxol. Enchaîné. De Sacha Skocilenko. Enchaîné. De Netnara. Amnesty International enchaîne les libérations. Grâce à vos lettres, le jugement de plus de 127 personnes injustement emprisonnées a été renversé. Participez au marathon d'écriture sur amnesty.ca. Parce qu'écrire, ça libère pour vrai. La Marotte locale vous invite à son marché en fête les 29 et 30 novembre de 10h à 17h au Centre du Rocher dans Saint-Sauveur. Venez découvrir une trentaine d'artisans locaux. Bijoux, décorations, gourmandises et idées cadeaux uniques vous attendent dans une ambiance chaleureuse et festive. Entrée gratuite, activités créatives en libre service pour tous les âges et boissons chaudes offertes aux premiers visiteurs. Deux soirées inoubliables à l'Anglicane. Samedi 6 décembre, voyagez avec la famille Leblanc. Une fête musicale aux accents baroque, jazz et traditionnels entre Poitou, Louisiane et Acadie. Mercredi 10 décembre, laissez-vous émouvoir par Émile Procloutier et ses nouvelles chansons de l'album « Ma main au feu » dans un spectacle vibrant et poétique. Réservez vos places dès maintenant sur espacedcl.ca.